La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés, chers auditeurs, sur cette scène cruciale où Jacob a rencontré le Seigneur dans le lieu appelé Peniel. Vous vous souvenez sans doute qu'un inconnu l'avait attaqué et avait lutté avec lui toute la nuit pour finalement lui démettre la hanche. Alors seulement, Jacob avait reconnu en son agresseur le messager de Dieu. Il a capitulé devant lui et n'a même pas voulu le laisser aller sans obtenir sa bénédiction. Consécutivement à cette expérience profonde qui a transformé Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. De supplanteur qu'il était, et c'est ce que Jacob veut dire, il est devenu celui qui est victorieux avec Dieu. Mais Jacob ne s'est pas contenté de recevoir un nouveau nom. À son tour, il a voulu connaître le nom du messager céleste. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Genèse 32, 29. Des siècles plus tard, les parents de Samson exprimèrent une prière semblable. L'envoyé de Dieu les avait prévenus de la naissance de leur fils, et Manoac, le père de Samson, avait demandé au messager de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Pour Jacob, comme pour Manoac, la réponse fut mystérieuse. Le messager céleste dit à Jacob, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et à Manoac, l'ange de l'Éternel a répondu, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Juges 13, 17 à 18. L'homme qui avait combattu Jacob pendant toute une nuit à Peniel, et l'ange de l'Éternel qui était apparu aux parents de Samson, c'était la même personne. C'était, dans l'Ancien Testament, deux manifestations de Jésus-Christ lui-même. Lui seul porte un nom merveilleux, et il appartiendra au Nouveau Testament de nous le révéler. Le beau nom de Jésus qui signifie sauveur, le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, le nom devant lequel tout genou fléchira un jour, le nom tout-puissant qui fait reculer Satan, notre adversaire, le nom du Fils de Dieu, notre bien-aimé sauveur, que nous adorons de tout notre cœur. Jacob, que nous retrouvons en Genèse 33, poursuit son voyage, revêtu de la bénédiction du Seigneur qui l'a rencontré à Peniel. Le nom protecteur du Seigneur Jésus va maintenant le préserver de la colère de son frère Ésaü, cet Ésaü dont le cœur sera soudainement fondu à l'égard de Jacob. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Genèse 33, versets 1 et 4. Comment se fait-il que ce frère courroucé et décidé de nuire à Jacob ait été soudain transformé? Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Et c'est le Seigneur Jésus, le nom vainqueur sous lequel Jacob s'était réfugié, qui a fondu la résistance d'Ésaü et qui a réconcilié les deux frères. Des siècles plus tard, l'auteur du livre des Proverbes écrira « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Proverbes 16, 7. Désormais, Dieu approuve les voies de Jacob parce qu'il s'est livré à lui. Et c'est pourquoi Dieu a fait le miracle dans le cœur d'Ésaü. Lorsque vous lirez, chers auditeurs, les chapitres 33 et 34 de la Genèse, vous suivrez Jacob dans son voyage et dans ses diverses expériences sur la route de Bethel, le lieu où Dieu lui avait donné rendez-vous. Mais peut-être qu'en lisant ces passages bibliques, vous serez quelque peu perplexe devant l'attitude de Jacob. Bien qu'il ait été rencontré par son Seigneur de façon très précise à Peniel, il persiste à agir d'une manière sournoise et mensongère. D'abord, il promet à son frère Ésaü de le rejoindre à la montagne de Séhir, alors qu'il n'a aucune intention d'aller dans cette direction. Puis, il s'établit non pas à Bethel, où Dieu l'attend, mais à Sukkot, près de Sichem. Sichem est bien dans le territoire de Canaan, mais ce n'est pas le lieu où Dieu lui a fixé rendez-vous. Il y a encore près de 80 kilomètres à faire, et Jacob attendra probablement des années avant de franchir cette ultime étape sur le chemin que Dieu lui a tracé. L'attitude de Jacob reflète celle de tant de chrétiens qui, tout en ayant fait une expérience avec le Seigneur, n'obéissent pas 100% à sa volonté. Ils s'arrêtent en chemin, ils prétendent adorer Dieu et le servir, et en même temps refusent d'obéir pleinement à ce que Dieu leur demande. Résultat, le Seigneur ne répand pas la bénédiction sur leur vie, et ils demeurent en marge de ses plans, comme ce fut le cas pour Jacob en cette phase de sa vie. En Genèse 33, nous lisons que Jacob s'est construit des cabanes à Sichem, puis, au chapitre suivant, qu'il s'est mis à trafiquer avec les habitants du pays. Alors, sa fille Dina a été dangereusement exposée au regard convoiteur de l'un des princes du pays, pour être ensuite enlevée et déshonorée. Jacob n'a rien fait pour protéger sa fille ou pour ensuite désapprouver l'acte odieux dont elle a été victime. Il laisse l'initiative des opérations à ses fils Siméon et Lévi, qui agiront avec ruse et brutalité. Ils prétendront imposer le rite religieux de la circoncision, qui, pour les descendants d'Abraham, était le signe de l'alliance divine, pour commettre ensuite avec lâcheté un massacre d'innocents. Lamentable épisode de la vie de Jacob, duquel il ressortira inquiet et bouleversé, menacé par les Cananéens dont l'hostilité s'est inutilement réveillée à l'égard de sa famille. Cependant, de ce récit se dégage un enseignement pour nous. Il faut parfois que nous arrivions au bout de nos ressources pour apprendre à rechercher le Seigneur et à dépendre de lui. Dans le creuset de sa situation, Jacob s'est souvenu de l'appel originel de l'Éternel, qui ne lui avait pas donné rendez-vous à Sukkot, près de Sichem, mais à Bethel, au lieu où il lui était apparu après son départ du foyer paternel. C'est là que Dieu l'attendait. Nous lisons Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Dans cette parole, Dieu ne fait que confirmer ce qu'il avait déjà dit à Jacob précédemment, en Genèse chapitre 31, verset 13. La volonté de Dieu est immuable, elle ne change jamais. Si nous nous éloignons de cette volonté, nous perdrons un temps précieux. Mais le Seigneur saura faire concourir les circonstances de la vie pour nous arrêter et nous ramener sur le chemin de ses plans et de sa vocation. Jacob, quant à lui, avait certaines conditions à remplir avant de se rendre à Bethel. Une œuvre de purification et de sanctification devait s'opérer dans sa famille si elle voulait rencontrer Dieu. Aussi Jacob s'est-il tourné vers les siens pour leur intimer un ordre. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 35, 2 à 3. Quelles sont-elles les idoles que la famille de Jacob avait jusqu'ici tolérées? Il y avait d'abord les téraphins, ces fameuses statuettes que Rachel avait volées à son père Laban. Sans doute y avait-il aussi certaines divinités païennes que les enfants de Jacob avaient acquises consécutivement à leur contact avec les Cananéens pendant leur séjour à Sichem. Or, rien de tout cela ne pouvait subsister en ce moment où la famille tout entière était conviée à Bethel pour y adorer le Dieu vivant. Ce fut une expérience profonde et décisive, dont les effets furent spectaculaires. Le récit biblique nous dit que quand toutes ces idoles furent ensevelies sous le térébinthe de Sichem, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Genèse 35, 5. Lorsque le croyant confesse ses péchés et ses désobéissances, met en ordre les situations douteuses et se débarrasse des idoles qui l'empêchent de servir Dieu, alors le Seigneur prend en main sa vie et fait reculer ses adversaires. Au XXe siècle, l'Église de Jésus-Christ est entravée dans sa marche et son service pour Dieu par une multitude d'idoles qu'à l'instar de la famille de Jacob, elle dissimule aussi dans ses bagages. Je m'explique. Le mot « idole » ne doit pas évoquer pour nous fétiche, téraphin, icône ou statuette de bois au visage grimaçant. Nos idoles sont bien plus subtiles, mais hélas, elles sont omniprésentes. Ce sont toutes les choses ou toutes les personnes qui prennent dans notre cœur la place qui revient au Seigneur. Voilà ce qui fait obstacle à notre marche en avant sur le chemin que Jésus-Christ nous trace. Nous n'avons pas à ensevelir ces dieux étrangers au pied d'un arbre, comme le térébinthe de Sichem. Mais, sur le plan spirituel, nous avons à les déposer au pied d'un autre bois, planté il y a bientôt 20 siècles, à 100 de kilomètres de Sichem, la croix de Golgotha, où Jésus-Christ a porté nos iniquités et notre condamnation. Confessons donc nos fautes et nos désobéissances au Seigneur dans la prière. Abandonnons ainsi nos idoles pour enfin servir le Dieu vivant et vrai. J'emploie ici le langage de l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Alors nous entrerons dans un chemin de victoire. La terreur de Dieu fera fuir notre adversaire, le diable, devant nous, et nous commencerons à être en bénédiction par notre témoignage autour de nous. Chers auditeurs, avons-nous, comme Jacob, trouvé ou retrouvé le terrain des promesses de Dieu? Ou bien sommes-nous encore à mi-chemin de ce terrain? Qu'il nous soit fait la grâce d'ôter aujourd'hui de nos vies les dieux étrangers, les interdits, le péché, les fausses pensées et les fausses persuasions, en les confessant au Seigneur, et que dès ce jour, nous nous retrouvions tous sur le terrain sacré des promesses et de la bénédiction de Dieu.